بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. هل أتاك حديث الغاشية؟ Es-tu informé de l'avènement de l'heure envahissante ? Ce jour-là, certains auront les visages baissés, accablés, harassés, brûlés par un feu ardent. Ils seront abreuvés d'eau bouillante. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ils ne mangeront que des épines qui ne nourrissent pas le corps et ne calment pas la faim. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. D'autres auront les visages heureux, satisfaits de leur œuvre, dans les hauts lieux du paradis, où tu n'entends nul propos frivole. Où se trouvent des sources vives qui coulent. Et des lits hautement dressés, des coupes bien rangées, des fauteuils bien disposés. Et des tapis étalés. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ces infidèles ne voient-ils donc pas comment les chameaux ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été dressées? Et comment la terre a été aplanie. Rappelle donc, ta mission ne consiste qu'à prêcher. Tu n'es pas investi du pouvoir de les contraindre. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Seuls les mécréants qui se détournent et refusent de croire seront soumis au plus grand châtiment. Et c'est à nous que se fera leur ultime retour, et c'est à nous de les juger.